Chapitre 33e, un revenant. Paulin Broquet, en passant, vit dans un salon qui faisait suite à celui-ci trois hommes, l'un jeune encore, les deux autres paraissant plus âgés. Ces hommes, vêtus naturellement comme tous les clients de la baleine, semblaient absolument ivres. Ils avaient dû faire ripaille, bombance, fêter quelques coups ayant réussi. Sur la table s'étalaient des débris de toutes sortes. Rogatons de pain, pelures de charcuterie, car Navi à la devanture de la baleine disait qu'ici on pouvait apporter son manger. Fricard fournissait seulement les boissons. Les bouteilles renversées indiquaient que ces hommes avaient bien bu, et deux d'entre eux, les bras allongés sur la table dans des mares de liquide varié, la tête tournée vers la porte laissée entr'ouverte, semblaient dormir. Le troisième, affalé sur le banc, le dos appuyé au mur et la tête penchée sur l'épaule du côté de la porte, comme ses compagnons d'orgie, commençait à cuver son vin bleu. Deux ou trois verres vides indiquaient en outre que d'autres convives s'étaient trouvés là. La porte du salon dans lequel ces ivrognes se trouvaient demeurait à demi ouverte. Les camarades, en partant, sans doute, avaient négligé de la fermer. Paulin Broquet, en passant, regarda dans ce salon. Il remarqua que les ivrognes, tout en paraissant vraiment partis pour les vignes du Seigneur où se récolte sans doute ce vin bleu, tout en ronflant, gardaient les yeux mi-clos, qu'ils les ouvraient aussi de temps en temps quand quelqu'un passait devant la porte de leur salon. Et Paulin Broquet sentit sur lui peser le regard de ces trois ivrognes. Mais il eut la sensation que ce regard était plutôt un regard de curiosité que d'étonnement ou de reconnaissance. « Je passe, se dit-il, pour une recrue, pour un nouveau zède. » Par contre, lui, si bref qu'eût été le coup d'œil qu'il jeta sur ces trois patates, il reconnut sinon les trois hommes, du moins l'un d'eux. Et cela ne fut pas sans lui causer une vive et profonde émotion, Tom Twig. Mais il ne s'arrêta point, et il se dirigea de son pas lourd, roulant les épaules vers la porte donnant sur la cour. Un peu après le salon où cuvaient leur vin, les trois patates se trouvaient encore un réduit plus petit, et chose étrange, la porte de ce salon était également entr'ouverte. « Ces gens, pensa Paulin Broquet, n'aiment pas le renfermer. » Mais il se dit également que ce ne devait pas être la seule raison qui faisait tenir ainsi les portes ouvertes. « Il faut présumer, ajouta-t-il, que ces gens, en ce moment ivres autant que moi, ont intérêt à voir qui passe dans le couloir. Mais il était plus que probable que cette surveillance ne s'exerçait pas uniquement à ses dépens. On voulait voir autre chose. » Sans paraître attacher aucune importance à ces portes entr'ouvertes comme des Judas sur le couloir, il poursuivit son chemin. Dans le second salon, un spectacle tout autre pouvait s'apercevoir. Si les compagnons ne s'étaient pas hâtés de sortir, n'avaient pas été absorbés par les pièces de 100 sous qu'on venait de leur remettre, et harcelés par l'ardente envie de boire, ils eussent assurément souligné de plaisanteries salées, de propos grivois, ce que laissait apercevoir la porte de ce second salon. Un homme, jeune encore, et une femme également jeune s'y trouvaient. L'homme portait une barbe noire, courtaillée, un chapeau déformé, au bord rabattu, le costume blanc taché de plâtre que les ouvriers limousins, dont ce quartier est le centre de ralliement, ont coutume d'arborer. La femme, les cheveux noirs surélevés, maintenus par des épingles à verroterie fausse, portait une chemisette claire et sur sa robe un tablier de coton. Au pied, des chaussons. C'était la gigolette des coins des rues excentriques, la pierreuse. Elle tenait étroitement enlacé le jeune limousin et lui prodiguait les marques d'amour de son amour-peuple, violent, bruyant. Mais elle le tenait de telle sorte que le limousin, tout en étant serré sur sa poitrine, pouvait tourner la tête du côté de la porte et, comme la femme, regarder qui venait dans le couloir. Or, encore cette fois, en passant devant cette porte, Paulin Broquet, comme tout à l'heure en apercevant les trois compères, tressaillit en voyant ce couple d'amoureux. Il prit le temps de bien regarder, de donner à ses yeux la certitude qu'il ne faisait pas erreur. « Fungati, se dit-il, et la femme rousse, celle de la place Clichy. » Et il passa. À dire vrai, Paulin Broquet était absolument méconnaissable. Il s'était muni d'effets non pris au hasard, acheté chez un fripier de faubourg, mais d'un costume venant d'un malandrin quelconque, arrêté, et à qui l'État fournissait en ce moment, dans un de ses prisons-palaces, le gîte et le couvert. Et ce costume, longtemps porté, formait un ensemble parfait, vrai, donnait une physionomie réelle, et ne laissait pas supposer la composition, l'arrangement un peu théâtral de ceux qui veulent se déguiser. Paulin Broquet devenait l'homme de ce costume, et ce costume gardait son caractère de vérité. Un costume, surtout dans ce genre miséreux, typique, que l'on compose avec des documents, son propre sens esthétique, ce qu'on croit être la vérité, aura toujours quelque chose de faux, de conventionnel. En le portant, on sera quand même déguisé, ce qui est horrible. Mais la différence est extrême quand on prend à un individu son costume habituel, qui est pour vous le travestissement. Le costume conserve son aspect d'ensemble, les traces d'usure habituelles, les mêmes cassures. Ce n'est plus un déguisement, c'est la défroque entière qui change d'épaule et ne joue pas un rôle, mais remplit son office. Frédéric Lemaître, le merveilleux artiste, pour être vrai dans un rôle, acheta celui dont il enviait la dépouille, son costume, du couvre-chef à ce qui restait de souliers, et même, ce qui, je ne dis pas ingénieusement, mais bien par un tour de génie, tenait lieu de linge. Et il composait ainsi un personnage vivant, réel, qui, comme Robert Macaire, passait à l'immortalité. Paulin Broquet était de cette école, d'autant plus qu'il n'avait pas, lui, à compter sous l'optique de la scène, et qu'il allait être forcé de se mêler aux gens dont il prenait le costume. Il fallait que tout fût exact et que rien ne clochât, que le plus petit détail ne le trahît point, que la moindre fausse note ne provoquât pas sa perte. Il possédait une garde-robe admirable, et était doué au plus haut degré de la science spéciale et difficile non du travestissement, mais du changement de personnalité, de la création d'un personnage. Il était donc sûr de lui ce soir, et quand il passa sous le regard des trois patates ivres, de Thom Twig, de Fungetti et de la seconde femme rousse, il n'éprouva aucunement la sensation d'avoir été reconnu. Dans la cour, il s'arrêta pour attendre son nouvel ami. Gabriel le rejoignit. « Va vite, » lui dit Paulin Broquet, « rentre dans la baleine. » Puis passe dans le couloir et regarde non les trois lieutenants de Sigomard à qui nous venons d'avoir affaire, mais les gens qui jouent les patates, occupent les deux autres salons. Gabriel obéit. Très adroitement, il traversa l'antre de la baleine et passa dans le couloir. Il regarda dans les salons que le chef lui désignait, et il se trouvait dans la cour, près de Paulin Broquet, comme son nouvel ami et compagnon rejoignit celui-ci. « Filons, » dit cet ami, « nous allons causer ailleurs. » Tous quatre, donc, quittèrent la cour de la baleine. Ils débouchaient, après avoir franchi la ruelle, dans la rue Jonas, quand ils furent croisés par une femme vêtue aussi en gigolette des faubourgs, mais portant sur la tête, comme si elle en souffrait, une sorte de tricot de laine qui lui couvrait le front jusqu'aux yeux. Avec sa main, la gigolette, qui devait avoir mal aux dents, appliquait contre sa joue un pan de son tricot et masquait ainsi presque tout son visage. Quand le groupe parut, elle cacha davantage sa figure et remonta vers l'antre de la baleine. Mais la gigolette regarda les quatre nouveaux amis. Paulin Broquet saisit le coup d'œil de cette femme. Il tressaillit, plus surpris, plus inquiet encore que tout, à l'instant, en passant dans ces salons de fricards occupés par de ces étranges patates. Ce coup d'œil, en effet, que lança la gigolette, eut comme une lueur bleutée. Paulin Broquet savait que seulement deux yeux avaient cette phosphorescence, cette lueur exquise, les yeux de la plus belle femme de l'univers. « Miss Eden, se dit-elle, « elle ici, pourquoi? Que vient-elle y faire ?» Et comme, entraîné par son nouvel ami, il sortait de la rue Jonas, il vit, à l'angle de la rue, une auto, une simple auto de place, arrêtée. Au volant de cette auto, il reconnut, sous la livrée de chauffeur, le métis indo-canadien. Et dans l'ombre de la voiture, il aperçut la tête épouvantable de Big qui veillait. Rassuré sur le compte de Miss Eden, il suivit ses nouveaux amis.